Bonsoir, en manchette ce soir, on parle de tradition turque, de respect de la loi autant pour les mineurs que pour les adultes et de révolution dans les préarrangements funéraires. Vous êtes à 70%. Commence, on est stressé, hein? On a oublié de faire notre petite toune. On l'a fait-tu à distance? Hein? C'est 70%! Ah oui, c'est stressé. Soir, salut, c'est Tammy Godette au micro. Il y a Israël Trudel-Denis. De retour de Rouyn-Noranda. De retour de Rouyn-Noranda, de la Meurland. Oui, on en parle tout à l'heure. Une nouvelle bonne raison d'aller passer du temps d'Abitibi. Kate Kendall, une bonne, une bonne raison de rester à Montréal. Si tu le dis. Tu vas nous parler de quoi, là? Ben, j'ai trouvé un vieux magazine cool de 2004, novembre 2004, pour être plus précise, avec le top Paris Hilton et Nicole Richie, amis pour la vie. Puis je fais, dans le fond, l'évolution de cool jusqu'en 2010. Avec un de 2004 puis un de 2010. Exactement. Puis on va pouvoir tout savoir. Il y a de l'argent qui est passé dans un cool. Ça, c'est décevant un petit peu. Mais on va l'encaisser, ton rapport, pour être sûr que l'information... On va en avoir pour notre argent. T'en fais pas. Hey, Stéphane Canizetti, toi, tu nous amènes un spécial. Oui, ben vois-tu, étant donné que DJ George brillait par son absence, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous présenter DJ Télésphore avec une thématique très sucrée. Oh, voilà, ça va rester buccal, on aime ça. Puis toi, Bruno, ben, on a déjà fait le tour. Oui, grosse ça. Semaine? Ouais. Ouais. Es-tu content? T'as ton ajout sur c'est quoi, pis tout? Ouais, c'est ça, hein? Ben, c'est pas pire. C'est le fun, Musique Plus, c'est quoi? On va recevoir un gros chèque de la SOCAN, là, une fois que les papiers vont être rentrés. Un petit message, peut-être, à notre ami Steve, par la bande. Par la bande, peut-être s'inscrire à la SOCAN. C'est ça que tout le monde bénéficie des bonnes avancées. T'as amené ta muse? Oui. Elisabeth, bonjour. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai, hein? On est rendu à 7h03. Juste à ta droite, le monsieur que tu connais pas, là, il s'appelle Frédéric. Oui, bonjour. Frédéric, on a Luc aussi. Enchanté. Les deux sont ici beaucoup grâce à Michel Brûlé. Ils ont entendu le dossier qu'on a fait sur les bouctouches il y a quelques semaines. En fait, ça fait deux semaines maintenant. Et puis, ils ont tellement été impressionnés qu'ils ont dit « on veut les lire, les bouctouches ». Oui, puis on a préparé un petit dossier sur la trilogie des bouctouches. C'est fantastique. Ça va être indispensable. Là, on est rendu au moment où on va commencer l'émission qui va être, en fait, le visionnement qui a été voté, là. C'est Gamer. Yes. Ouais, c'est en français. C'est excellent, ce film-là. Je l'avais jamais vu en français. Il y a une petite touche. Ah, je l'écoutais en anglais, c'était genre moins 7, moins 8. Fait que ça doit rester ça au-delà. Ça explose, Et puis, il y a des gros bouts dégueulasses, là. Puis, il y a des. En tout cas, Gamer, on va l'avoir au brouhaha, puis en corpus. Puis sinon, j'ai trouvé une toune. C'est assez spécial. Je savais pas c'était qui, mais je l'ai écouté deux fois. Puis je pense que c'est Trunk 25. C'est comme la nouvelle mouture. Là, ils sont rendus différents. Je me rappelle plus c'est qui me l'a envoyé non plus. Fait qu'on va commencer ce 70%-là avec Ouvre grand, grand-maman. grand-maman de la musique. Hein. Grand-maman, oui, est excellente. Et voilà, c'est à 70%. Sinon, la trame sonore, là, c'est Walter Rizzati. Le gars, là, il a fait la trame sonore des Bronx Warriors. Wow. Respect. Trunk 25 à 70%. Se la faire. Oh oui, ta grand-mère, on va se la faire. Ah. vas ou tu vas pas la visiter. On sait tous que les vieux s'aiment ça, compter leur scène. Mais toi, ta grand-mère aime mieux se faire péter la sienne. Oh oui, ta grand-mère, je la prends dans toutes les trous. Mais son trou que je préfère, y'a aussi son trou de mémoire. Brrr, quand elle prend ma bébite, elle en oublie son arthrite. Elle m'enduit de salive, me pompe avec ses gencives. Là, je me suis levée, je suis debout, mais mes culottes sont encore baissées. On fait le marteau piqueur. C'est son vieux tapis en fleurs. Moi, je fais le cavalier. En touchant son macramé. On se fait des mamours. En regardant les feux de l'amour. Cochonne dans la salle ce soir! À Suzanne Lapointe! Son corps qui se fait! Regarde la faune, j'imagine c'est pas fun. Oui, ça pète, mais non, j'ai me tapé ma bisoune. Plus rien, mais là, je lui ai excipé mon bord. C'est la vie de mon pénis, c'est que le monde est un peu triste. Je pense à Clément. Oui, Thibaut, même si je te trouve so-so, pour que tu sois à ton aise, on peut faire ça sur ta chaise. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Josh, sex appeal de Lise Thibaut. Oui, Lise nous offre ses deux coupes de place, mais moi son body, je cours vraiment badass. Max, bonne raison pour pas y venir, non. Bonjour, mon nom est Ulrich Corbeil-Trudel, vous écoutez 70%. Bonjour, je suis le lutin Bertrand et pendant mes pauses de travail, j'écoute 70%. Ils sont devenus plus durs ou plus épais qu'auparavant. Il se peut que vous soyez atteint sans savoir des premiers signes d'une maladie fongique des ongles d'orteil appelée onychomycose. Cette maladie peut être embarrassante et laissée sans traitement, peut causer de la douleur et des lésions permanentes à vos ongles d'orteil. International Dermatology Research à Montréal effectue actuellement une étude de recherche auprès d'adultes de 18 à 65 ans atteints d'onychomycose. Les participants admissibles recevront le médicament étudié et seront dédommagés pour leur temps et leur déplacement. La participation à l'étude est gratuite. Alors si vous avez remarqué un changement graduel dans la couleur ou l'épaisseur de vos ongles d'orteil, appelez au 514-933-0020. N'oubliez pas que des millions de personnes sont atteintes d'onychomycose sans même le savoir. Nous vous invitons à regarder vos orteils et à appeler au 514-933-0020. Encore une fois, appelez au 514-933-0020. Vous voulez savoir ce... Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Alors, en nouvelle, un jeune marié voulant manifester sa joie après son mariage a décidé de succomber à la tradition nationale turque de tirer dans les airs avec un AK-47. L'homme a alors perdu le contrôle de l'arme à feu et a criblé les invités de balles, tuant son père et deux de ses tantes et blessant 8 autres invités. L'homme a été arrêté. La tradition qui est aussi pratiquée pour célébrer les victoires sportives cause plusieurs morts à chaque année. Fait qu'on va peut-être en reparler, c'est ça que je voulais dire. Peut-être que plus qu'on en parle, plus qu'il y en a qui vont être au courant, puis moins ça va se faire. Chaque fois qu'on en parle, il y a une fille qui meurt. Hey, bonjour, vous êtes à 70%. Oui, bonjour, j'appelle parce que j'ai remarqué un changement graduel à la couleur de mes ongles d'orteil. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider à ce niveau-là, disons? J'espère bien. Non, en fait, c'est DJ George en direct de Eastman. Oh! C'est une place en anglais, ça doit vouloir dire qu'il y a du monde qui a de l'argent. C'est proche de Magog. Tout à fait, oui. Puis effectivement, il y a plein de monde qui a plein d'argent. Là, je me sens pauvre. Mais t'es riche de notre amitié. Ah, je suis content. Hey, ça me rassure tellement. Je voulais juste prendre deux minutes pour vous lire quelque chose que j'ai découvert dans le Allo Vedette de cette semaine, que j'ai eu le temps en masse de lire pendant qu'il pleuvait à Eastman autour de mon chalet. OK. Je voulais prendre un peu le relais de Predge, qui ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, en tout cas. Non, les potins qui ne servent à rien. Non, il n'est pas là. En fait, on n'a pas trop de nouvelles de lui. Là. Ça fait... Il a eu son empalement en direct. Oui, puis là, depuis ce temps-là. Hein. Et voilà. C'est pour ça je me disais, les petits potins dont tout le monde se crisse, c'était le fun. Fait que j'en ai deux à vous lire. Premièrement, on a Jessica Alba qui a failli provoquer un événement tragique lors de sa fête d'anniversaire au cours des dernières semaines. Tragique, man, tragique. Elle a failli. Tragique. Failli, par contre. Ça, c'est pas si fait. En effet, la jeune femme qui a eu 29 ans a décidé de préparer des bâtonnets de poisson au four pour son mari et ses amis. Tragique. Quand c'est déjà quand tragique t'es fêté, en soi. Là, ah oui, écoute, Jessica Alba, elle a le tour de recevoir le monde pour sa fête. Alba, le cordon bleu. Ah oui. Mais, comme elle ne savait pas comment fonctionnait l'appareil ultra complexe qu'est le four, elle a brûlé les bâtonnets. De la fumée en est sortie et l'alarme d'incendie de l'hôtel a été déclenchée. On a même évacué les lieux. Il n'y avait pas de feu, juste un peu de fumée qui, malheureusement, a déclenché l'alarme incendie, a expliqué le gérant de l'actrice. Ben, écoute, Jessica Alba, mets ça dans ta pipe, mais douteux.org a déjà fait ça avant toi. Fait que si c'est de l'attention que tu veux, ça marche pas. Ça marche pas. Sinon, si elle avait réussi, elle aurait pu avoir un Darwin Awards. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, ça a juste failli. Sinon, ben on a Miley Cyrus ici, Montana. Et oui, donc même si elle est la célébrité préférée des ados, l'actrice et chanteuse Miley Cyrus avoue que si on lui demandait de tourner une scène de nudité, elle accepterait. Si c'est quelque chose avec de la classe, tout dépend des circonstances, a déclaré la star à la BBC. Il faut dire que la vedette en a marre qu'on la traite comme un enfant malgré tout ce qu'elle a réalisé. Elle espère avoir un peu plus de respect quand elle aura 18 ans. C'est la meilleure façon d'en avoir. Se mettre tout nu, c'est bien connu pour avoir du respect. C'est la meilleure c'est façon. Clair. C'est clair. Et aussi, ben, tu sais, avoir 18 ans, ça aide à pas se faire traiter comme un enfant. Ça, je suis d'accord c'est avec ça. C'est ça. Voyons donc. Puis là, les médias, ils étaient tous autour de ça. Puis ils ont traduit ça en plus. Là. Au moins ouais, en oui, français, peut-être dans d'autres langues. Puis là, ben, ça, c'est dans le Allo Vedette maintenant, sur lequel trône Guillaume et Marie-Lou. Imaginez-vous que leur quotidien est bouleversé, ça marquait ça. En gros, sa couverture, puis là, tu te demandes c'est quoi, finalement, ils ont eu un bébé, tu sais, ça fait un big deal. Ouais, been there, done that, Étienne. Bon, ben, d'ici là, tout le monde, là, on va raccrocher, parce que Stéphane, puis Kate, puis Luc, puis Frédéric sont avec nous autres, eux autres. Bon, ben, bye à tout le monde, puis moi, je vous reviens la semaine prochaine avec probablement ce qui serait un spécial fierté gay. Bye bye, DJ. Ça se dessine tranquillement. Bon, on a bien hâte, mon gars. C'est bon. Aïe, dis salut à ta famille, là, puis fais attention à toi, il y a des escaliers partout. Hein. Oui, il y en a plein ici aussi. Et voilà. On pense s'en éloigner, mais non. Ben, merci bien, Étienne. OK, bye. Salut, Étienne. Bye bye. Les potins qui servent à spécial. Vas-y, Bruno, chaud-en d'autres, là, c'est tout à propos, finalement. Ah, d'accord. Bon, on va rester dans le thème de la mort. Une nouvelle qui devrait réjouir tous les décédés en devenir. Jeff Danberg, un inventeur génial, vient de faire breveter un nouvel appareil qui permet de communiquer avec les morts. Il s'agit d'un système de communication installé dans le cercueil avant l'enterrement qui permettra aux endeuillés d'appeler le cadavre pour continuer de lui souhaiter bon anniversaire ou joyeux Noël ou juste l'appeler pour prendre des nouvelles. C'est équipé de haut-parleur? Oui. Est-ce que c'est comme les choses qu'on utilise pour les bébés? Non. Tu peux mettre un téléphone. Hey, c'est un téléphone. Mais quand il n'y a plus de piles... Salut maman! Ah ben là, écoute, c'est ça. C'est soit que tu peux l'appeler jusqu'à ce que tu meurs ou jusqu'à la fin des temps ou jusqu'à la mort de la pile, peu importe ce qui arrive en premier. Le processus de faire la paix, hein, comment que c'est compliqué. Ça va bien, maman? T'as invité un cadavre à l'émission. Aïe. Ben, ils faisaient ça, hein, dans le bon vieux temps, parce qu'ils ont trouvé plein de tombes, là, de monde qui se sont retournés, puis tout. Fait que là, il y a plein de monde qui ont été enterrés vivants. Fait que là, ben, il y a eu une grosse phobie à un moment donné, là. Ouais. Là, le monde, ils mettaient tous des dispositifs, genre une clochette, là. C'était comme à mode de mettre un dispositif pour signaler à l'extérieur si t'étais encore en vie. Puis là, à un moment donné, ben, ils ont arrêté, là. Parce ouais, que... ben, il y avait aussi la technique, là, du croque-mort. Ils croquaient l'orteil du mort pour savoir s'il était vivant. T'sais, tu vois, c'est pas niaisé avec la poque, ça, hein? À un moment donné, t'étais vivant, mais avec un orteil de moins. Ouais, c'est ça. Ça se peut. Ou sinon, t'avais pas de sensation juste dans l'orteil, puis tout le reste, il était bon pour être cheaté. Hey, Kate, vas-y, parle-nous du cool de 2004 suivi du cool de 2010. Oui, ben je vais commencer par la couverture. Donc, on voit sur le cool de 2004, celui de novembre, Nicole et Paris, amis pour la vie. Mode Halloween, les costumes hot, des trucs coiffure, des maquillages, des accessoires et plus. Parce que le principe avec Cool, on se dirait novembre 2004, on est en retard pour l'Halloween. Mais non, c'est que ça sort tout le temps un mois à l'avance pour être à l'avant des tendances. Ah. Le témoignage, c'est « J'ai fait une fugue ». Tout le monde est impressionné. Oui. Puis, tu as une entrevue avec Bianca Gervais. Tellement out. Ouais, mais c'était 2004, c'était in. Il y avait un poster de Ramdam à l'intérieur qu'on m'a volé. Il devrait le sauver les coins, là, puis mettre plein de photos de feux de paille. Non, je pense pas, parce qu'il parle d'elle comme une fille simple. Ouais, c'est venu après. On a entre nous, au secours, je me trouve poche. Fait qu'on a deux pages de au secours, je me trouve poche, puis des trucs pour te trouver moins poche. Parce que c'est important, parce que toutes les adolescentes se trouvent poche. Ben, beaucoup. Donc, c'est important d'en parler le plus possible. Oui, c'est ça. Ça doit faire partie d'un processus normal de travailler vers autre chose. Il y en a qui sortent du placard, d'autres qui sortent de leur poche. On a encore un courrier de la rédactrice dans l'édition 2004 comme dans l'édition 2010, avec des trucs comme « trucs pour embrasser ». Parce que j'ai 14 ans et j'ai un chum, je l'aime, c'est réciproque, j'aimerais bien l'embrasser, mais je ne sais pas comment. Pourrais-tu me donner quelques trucs, s'il te plaît? Merci beaucoup. Hey, écrire comment embrasser. Ouais. Je veux rester son amie. Ça, c'est une fille qui sort avec un chum, qui l'aime plus, puis là, elle veut rester son amie, puis elle veut pas que ça change entre eux autres. C'est comme l'histoire du deuxième album. Elle dit « Je veux plus sortir avec lui, mais je voudrais que tout redevienne comme avant. Je ne sais pas comment lui dire. » Puis on a c'est bon d'en parler à revue. On a le traditionnel « Elle pogne pas moi ». J'ai un problème. Chaque fois que je sors avec ma baisse, c'est elle qui attire tous les gars. Pourtant, je ne sais pas. Je me sais jolie et je soigne mon apparence. Malgré tout, c'est toujours elle le centre d'attraction. Peux-tu m'aider? Parce que ça devient frustrant. OK, fait que ce qu'elle veut, elle, c'est pas vraiment pogner avec les gars. C'est pogner avec les gars que son ami pogne avec. Ben, c'est pogner plus que sa baisse, dans le fond. Non, c'est ou ça, au moins ça. Autant. Égal. Wow, comme Nicole Richie puis Paris Hilton. Mais des fois, ouais. C'est dur d'être objectif quand ton cœur est dans le chemin. Oh, ben. Oh. Ça, c'est tiré de ton premier album, ça? En 2010, ben, j'ai triché. Ça, je l'avais pris dans le full fille, mais on aurait pu avoir possiblement la réponse de l'ami en question parce que tu avais un article qui était « Elles sont toutes jalouses parce que je suis belle, dans le fond ». Fait que là, elle écrit pour demander comment je peux faire. Pour être moins belle. Pour être plus laide. Mais pas pour être plus laide, mais je suis tannée. Tout le monde est jaloux de moi parce que je suis belge. Puis je peux pas en parler aux filles parce qu'ils me traitent de prétentieuse. Puis je peux pas en parler aux gars parce qu'ils veulent sortir avec moi. Un coup d'exacto. J'avoue que c'est problématique. Il déménage, il n'y a plus de solution. Je pense qu'elle est morte. Le grand lac des esclaves. La balle dans la tête, là. C'est... Ouais, il faudrait qu'elle déménage dans une fille où ce que serait plus de faire valoir. Ouais, une mais... graphique d'en face, juste d'un bord. Ouais, hein. C'était l'exacto tantôt, c'était pas pire. Un coup de haut en bas. On a un... Oui. Parle-moi de l'éditorial aussi. Il me semble que l'éditorial, il était vraiment beau là, au début. Là. Ben, ah oui, la première partie. Vas-y, à fin, là. Vas-y, excuse-moi. Ben, tu veux dire le mot de Marie Cool au début? Ouais. OK, oui. Ça, c'est la deuxième page de la revue. C'est fascinante, le titre. C'est le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Paris Hilton et Nicole Richie. On a beau dire qu'elles sont trop si, pas assez sœurs, il reste qu'elles exercent sur nous une certaine fascination et qu'on ne peut que leur envier l'amitié profonde qui les unit. Qui ne voudrait pas d'une amie sincère et loyale comme Paris ou d'une copine drôle et attachante comme Nicole? Ces deux-là sont de vraies bestes. Oh. Rien que pour ça et pour le respect qu'elles ont l'une pour l'autre, elles méritent notre admiration. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien dur d'être rationnel quand ton cœur est dans le chemin. Ben, continue ton affaire. Merci beaucoup. Excuse-moi, je voulais pas te déranger. Je trouvais ça beau d'encenser l'amitié de Paris Hilton et de Nicole Richie. On parle chicane à ce temps. Parce qu'on sait que ça va donner de la haine puis que ça va faire vendre plein de revues. Ouais, mais d'ailleurs, ces rumeurs-là commençaient déjà à courir puis les deux filles nous rassurent que non, ils se connaissent depuis 3 ans puis que c'est pas prêt de changer puis que... Ben depuis l'âge de 3 ans. Okay, okay. L'article s'appelle Best Forever avec un 4. Ouais, ben c'est la mode de mettre des chiffres partout qui est sûrement... C'est en 2004 en plus. Ah. Oh! Est-ce qu'on assiste au criss-cross? Est-ce que t'as fini ton intervention sur la version 2004? Attends, je regarde ça. Ben là, t'as le volet Paris, t'as le volet Nicole, qu'on s'en fout un peu, qui veulent pas dire grand-chose, mais qui disent toutes les deux, par exemple, on aimerait ça être apprécié pour autre chose que notre côté superficiel qui ne nous représente pas. Ce qu'on fait à la télé, c'est à la télé, puis c'est fait pour faire... Oh, je viens de tomber sur les gars cool du Québec. Ça n'existe plus en 2010. Ça, il n'y en a plus! Non, mais ça c'était... Je vais le faire passer. C'est vraiment beau. C'est un concours qu'il y avait à l'époque. Il y a même une photo, là. C'est que les gars cool pouvaient envoyer leurs photos et leurs candidatures, puis passer dans cool, puis être le gars cool du Québec... Ils ont quel âge, les gars? C'est 13 et 14 ou 14 et 15, mais ça. 14-15. Ça paraît bien, il y en a deux, là. Puis là, t'as Alexandre Hébert puis Hugo Derouet. Puis il y a leur photo, puis on sait qu'ils sont sportifs, puis qu'ils portent du parfum. Est-ce qu'ils mettent ça? Puis il y en a un qui est bélier, puis il y en a un qui est taureau. Qui c'est qui gagne dans une fête entre un bélier puis un taureau? Moi, je pense que... Moi, je vote taureau, là. C'est aux lectrices de cool de décider. Ça dépend de l'ethnie du taureau. Ouais, c'est ça. Hein. Ben, le taureau, c'est un signe de terre, puis le bélier, c'est un signe de feu. Fait que pour moi, le feu bat la terre. Non, ça dépend. Quand t'as un feu, tu peux fixer de la terre dessus pour l'éteindre. Dans Pokémon, en tout cas, c'est pas comme ça que ça marche. C'est lequel qui a l'air de plus faire du kung-fu entre ces deux-là? Celui à gauche, je pense. En fait, je dirais qu'Alexandre a plus l'air de jouer au hockey. Bon, victoire Alexandre. Puis Hugo, il a plus. Ces gars-là, ils ont déjà le nez cassé. L'autre, ça fait longtemps qu'ils sont entraînés dans la bibliothèque. La douleur. Il y a un horoscope dans les deux éditions qui est toujours... on a remarqué tantôt, on a fait l'horoscope de tout le monde. C'est toujours centré sur « tu vas être populaire, tu vas avoir un problème à régler. » Les gens vont parler de toi. Les gens vont parler de toi, c'est vrai. C'est les trois, c'était les trois piliers. Puis tu vas possiblement faire une rencontre qui va changer ta vie ce mois-là. En 2004 sinon, comme en 2010. C'est l'autre d'après ou sinon t'as oublié ce que je viens de te dire. Ben c'est un « probablement ». Probablement. Fait que ça serait pour l'édition 2004 majoritairement. Puis le mode, c'était pas très intéressant. C'était un spécial Halloween. Fait que on parlait juste de comment se déguiser de façon sexy. Fait que. C'était pas. Non. C'est beau l'Halloween. Hein. Ouais, c'est. Tranquillement, ça devient ma fête la plus risible, je pense. Là. Ah, il y avait ça, des. C'est comme tout le monde se déguise. Puis il faut qu'il aille faire 8 parties dans la même soirée. Parce que c'est la seule journée de l'année qu'ils peuvent sortir le costume à 400$. C'est con, là. Vas-y, là, je pensais que t'avais fini. Oui, ben j'ai presque fini. Il me reste une chose qui n'existe plus en 2010, c'était les Transfor Stars. Ça, c'est qu'ils mettaient ils disaient comme, mettons, le mois prochain, on te demande de ressembler à Britney Spears. Donc, envoie-nous ta photo, puis on va voir si on peut te transformer comme Britney Spears. Fait que pendant une journée, la fille qui ressemble un peu vaguement à Britney Spears au début vient en studio, puis là, il y a coiffe, il y a maquille, il achète des vêtements. Il rase la tête, puis il la crisse enceinte. Fait qu'ils ont arrêté le concert parce que. C'est pour ça qu'ils ont arrêté ça. Hein. Ça apprécie. C'est tout pour 2004. Ah ben, merci beaucoup, Kate Kendall. On va y revenir dans l'émission, c'est sûr. Je pense qu'on va tout de suite se saucer avec une petite séquence de l'excellent gamer. Je vais en parler un petit peu après. Ben, je vais tourner autour. Là. Ouais, parce que c'est gamer. Là. Bob, c'est dynamique. Bob, attends, laisse-moi gérer. Bob, vous l'avez, votre interview, ou non? Quasiment, on en est à deux doigts. J'échange pas ma guerre en Asie contre tes deux doigts. Sans vouloir te vexer, Bob, des morts aux yeux bridés, ça intéresse personne. Contrairement à Ken Castle. Gina a quelque chose à dire, peut-être? Ok, Bob. Bob, Dois-je te rappeler que Castle s'est confié une fois seulement sur un plateau télé chez Barbara Walters avant qu'elle meure? C'était il y a 9 ans, d'accord? Tu vas te calmer les ovaires et juste me confirmer qu'on va la voir, cette invitée. Ouch! Cette invitée. Voilà. Vieille couille molle. Allons déjeuner. Iranien, sushi, mexicain? Oh non. Hamburger, chili frites. Ça me va comme menu. À table. On évolue en société. On évolue. On évolue dans société. Mais bon, je sais pas ce qui est le plus réel des deux, en vrai. Franchement, qu'est-ce qui est vraiment réel? Vous captez? Vous êtes en direct avec Gina Parker-Smith, en direct sur Wobbling Tonight. Vous êtes en direct, Ce salopard fait décoller l'audience. Tu te rends compte qu'il pourrait nous racheter? Ah ouais? Pourquoi il irait s'emmerder? 650 millions de connexions payantes par émission lui suffisent amplement. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. Tout a commencé avec Société, le jeu de simulation ultime où les joueurs ne contrôlent pas des personnages virtuels, mais des êtres humains, tout ce qu'il y a de plus vivant. On les fait marcher, parler, picoler, déraper. Yukaidi, Yukaidu. Ça, c'était en 2010 sur tous nos t-shirts. La création du génie reclus Ken Castle. Qui est Ken Castle? Le jeu Société a déferlé sur le monde, devenant le premier plaisir coupable des masses. Certains sont payés pour être contrôlés. D'autres paient le contrôle. Et générant l'une des plus grosses fortunes personnelles au monde, laissant Bill Gates sur place, quasiment du jour au lendemain. Il y a 9 mois, Castle a dévoilé une nouvelle simulation qui allait propulser le jeu en ligne vers des nouveaux sommets d'intensité. Et de controverses. Slayers. Si Société nous permettait de vivre par procuration, Slayers nous offre de mourir par procuration. Slayers permet aux joueurs de contrôler entièrement un être humain de chair et de sang au cours de véritables combats à mort. Et quand on vous dit de chair et de sang, il s'agit bien de chair et de sang. On va y revenir un petit peu plus tard. Ils sont un peu forts sur la tautologie, hein? En direct, direct. Oui. Fait de chair et de sang, et de chair et de sang. Et de chair et de sang, oui. Au con, on n'aurait pas compris la première fois. Il y avait le splash, le Yvon Pédinisme à son meilleur, toi. Hey, je pense que je vais en parler un petit peu, là. En fait, ça m'a fait réfléchir encore d'écouter ça, là. C'est un petit peu dans la lignée des Rikio. Des Rikio, j'aime ça dire ça au pluriel. Ça fait comme Yvon Pédinot, justement. tu sais, on sait pas si c'est une joke ou si ça n'est pas une quand ça a commencé ou quand ça a été fait. Un petit peu comme Crank 2 aussi, qui est spécialement des mêmes réalisateurs. Donc, gamer, à quel point s'est rendu fort les médias? Je dirais que c'est au point auquel s'est rendu faible le bouche-à-oreille. L'information est la chose qui vaut le plus cher et ça a toujours été ainsi. On apprend à faire du feu à partir de rien, l'idée reste et se propage. Quelques-uns découvrent la roue, les autres l'imitent et la modifient en pick-up. Les Américains donnent des missiles nucléaires à Israël. Israël sait maintenant comment faire des armes nucléaires. T'es content, Israël? Ouais. En fait, si tout est inspiré... la bombe dans la piscine, hein? Ouais. En fait, si tout est inspiré d'autres choses, on sait relever souvent les humains. Quant au blueprint original, la première idée, la métaphore de monolithe, il est perdu depuis longtemps parce que les premières passations de pouvoir se sont produites par le bouche-à-oreille. Ces idées transmises de bouche-à-oreille bénéficiaient d'un apport personnalisé à toutes les fois qu'elles étaient partagées, tout en restant discutable au premier degré parce que ben, l'autre il est en train de te la raconter. Fait que tu peux sûrement y poser une question vu que tu parles la même langue que lui. Sinon, il se parle à lui tout seul. Puis il pense à rien. Donc, le consensus sociologique considère l'écriture comme le début de l'histoire. Justement parce que des histoires restaient telles quelles, peu importe le temps, pourvu que l'on ait le code pour les déchiffrer. J'ai rien contre ce fait. En fait, rien du tout. En fait, je serais vraiment con d'avoir quelque chose contre ce fait. La parole s'envole et les écrits restent. Les écrits qui restent sont ceux qui survivent à le plus de questions le plus longtemps. Si vous y pensez bien, la Bible répond à toutes les questions, mais avec la même réponse. Au-delà de ces déplaisantes considérations religieuses, il y a le fait que si... cet écrit est oublié dans une étagère, ça va survivre plus longtemps que beaucoup d'autres idées, parce que ça sera jamais challengé. Puis il y a le feu aussi, là, qui peut brûler des affaires. Ouais, hein? Rendu là, je me suis dit, dans le fond, tout peut devenir une mode à un moment donné dans le temps, pourvu que ce soit au bon moment ou que le temps ait rendu le média vintage. les cartes de hockey, les pantalons éléphants, Julie Mouse, le retour de Plastique Bertrand, qui est en fait pas vraiment Plastique Bertrand, et puis Trollolo, ça c'est un bel exemple de ce fait. La démocratisation des moyens de communication a ensuite changé la donne. Grâce à Gutenberg, on est sorti du Moyen-Âge pour rentrer dans la modernité. C'est grâce à la diffusion des informations permises par l'invention de Gutenberg que des idées prépondérantes comme celles de Rousseau et Descartes, notamment, et parce que ce sont ces deux penseurs que nous stressons le plus lors de ces soirées, ben Descartes parce qu'il a établi l'indispensabilité du doute dans toute méthode, et Rousseau parce qu'il a vu de loin les changements sociaux qui étaient pour provoquer les nouvelles méthodes de communication. Les jeans, par exemple, ont été inventés en 1850. Ils ont eu un boom dès le début. Et puis après ça, ben en fait, c'était parce que c'était dans la trousse du parfait petit chercheur d'or. Après ça, ils sont redevenus à la mode seulement une centaine d'années après, grâce au hippie, parce qu'il n'y avait pas besoin de les laver souvent. De nos jours, Levi's fait préséance dans le domaine d'user à profit de cul de fille grâce à l'information. Devant la démocratisation, encore une fois, de plus en plus évidente de l'information et de ses canaux, ceux qui le contrôlent, le profit, ont la réponse évidente. Si tout le monde peut dire et diffuser ce qu'il veut, on a juste à flooder tous les systèmes. Gamer est un exemple parfait de cette surinformation. Et ça avait réussi, ils avaient gagné. Vous vous en souvenez combien de fois vous avez tourné les canaux de la TV de 02 à 63 en passant par le canal TV horaire, en spottant les prochains Simpsons et en écoutant le moins pire en attendant. Moi, je détestais autant la pub et les magazines à cause de leur omniprésence et le manque de choix qui m'était proposé. Encore plus à Val-d'Or en Abitibi, croyez-moi. Tout semblait perdu, la frustration grandissait, le MTVisme rampait et le hit de l'été nous obnubilait. On avait perdu. La variété médiatique digérée par les Stéphane Rousseau et les Jean-Marc Parent de ce monde. Puis vint Internet. On était sauvés. Je vais en reparler un petit peu plus tard de Gamer encore, là, parce que c'est vraiment comme... En fait, t'as vraiment pas parlé de Gamer. Ben, j'ai parlé du contexte qui nous a amené à avoir une société qui pond une affaire comme ça. Ok, oui, oui, tout à fait. Parce c'est le côté anthropologique, n'est-ce pas? Ah, ben, vraiment, je comprends pas ce film-là. Je sais pas si c'est une joke. Je sais pas c'est quoi ça essaye de prouver. Je sais pas pourquoi ça existe. Je sais pas comment doit la fille se met, mettons. C'est à peu près une des seules questions qu'eux autres nous répondent pas dans ce qu'ils ont créé. Grand film. Très grand film. Rendu là, je pense qu'on va écouter Bioman de Bernard Minet. Puis on va revenir après pour encore des nouvelles. Là. Puis ça va être Stéphane Kensetti. Là, il va faire jouer ses chansons puis tout. Là. Moitié homme, moitié robot. Le plus malheureux des héros. Bioman. fort. OK. Là, on est en train d'essayer de brancher la machine parce que ça va être Stéphane Kensetti qui va nous faire son petit mix. Voyons comment ça fait pour se brancher, ça. Ah, que d'action. En attendant, je peux vous conseiller d'aller sur épisode.com. C'est Imo. En fait, c'est qu'on est obligé d'amener son ordinateur dans la console parce que là, il est en train de le tourner et tout. On va l'avoir, on va l'avoir. Ouais, c'est des livres gratuits. Ton livre gratuit sur épisode.com, c'est des livres Imo, quand la musique croise les chemins de l'ombre. Yeah, boy! OK, alors... Alors, cette semaine, une petite thématique sucrée, donc. Et dans cet esprit-là, ben, j'ai essayé de prendre un peu les traces de notre ami DJ George et un peu de variété. Alors, la première chose que j'aimerais peut-être vous faire savourer, c'est un grand classique de qu'on appelle de la pop bubblegum. Vous allez sûrement le reconnaître, c'était un succès en 69. Et ça va vous rappeler aussi des cauchemars en bande dessinée. Je suis sûr que notre spécialiste pourra en parler un jour. Écoutons ça tout de suite. Maintenant. Ah, sugar. Ah, honey, honey. Et oui, avec Jughead et les bandes dessinées archi-plates. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'a toujours à peu près assommé, ces bandes dessinées-là. Là, mais... Oh, honey. Enfin, c'est quelque chose qui groove. Imaginez-vous, c'était quand même le numéro 1 en 69, 6 millions d'exemplaires, tout de même. You are my candy. Alors, ça, c'était un souvenir... je sais pas si c'est des amateurs de Betty Everinka ici. Moi? Oui. Moi, je me rappelle de quelque chose qui était très vrai avec cet album-là. C'est que à un moment donné, j'ai vu ça aux Alleuses en spécial. C'était un album comment ils appelaient ça? Super poche géant. Et oui. C'est la première fois que j'étais d'accord avec ça. C'était vrai. C'était super poche et géant. Alors, ça, c'était donc les Archies. On va y aller maintenant avec quelque chose d'autre qui va vous rappeler des souvenirs, mais plutôt des années 80 maintenant. La toune que tu viens de faire jouer était dans le film Archie. Je ne sais pas si, si tu l'as vu. Hein? Non, parce que moi, dès que je vois Archie, j'ai le goût de m'en aller. OK. Mais c'était aussi dans le dessin animé à l'origine. Hein? C'était... Oui. Si jamais tu as vraiment envie d'aller aux toilettes, là, viens pas chez nous en passant. Ah, parce que... Oui, ben je pourrais m'en... Tu vas vouloir t'en aller. Puis non, là, non, mais je pourrais m'en servir si je vais aux toilettes. Ah, d'accord. OK, alors, maintenant, est-ce que vous aimez la barbe à papa? Oui, moi, alors, oui, en tout cas. Allons-y. Moi, j'aime pas mal tout ce que tu viens de nommer à date. Je suis peut-être inquiète. Dans la famille des barbes à papa, je me rappelle jamais de nom des personnages, mais il va les nommer. Attention! Dans quelques secondes. Hip, hip, hip, barbatru. Alors, ça, est-ce que vous aimez les bonbons? Oui! Au pays de Candy. Comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Oui, effectivement. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, petit prince des collines, viens lui parler seulement. J'avais trouvé la chanson plate, triste qu'il y avait à la fin, mais j'ai pas trouvé. Parce que ça, c'est encore plus pénible à écouter, mais je vais faire des recherches un peu de monnaie pour ça. Avant d'enchaîner avec la prochaine. Ça, c'est pas vraiment en poche, mais comment je pourrais vous dire, c'est que moi, je me suis toujours demandé comment un gars pouvait appeler sa femme, sa copine, Sugar Pie Honey Bunch. Je sais pas si... C'est parce qu'elle est tarte ou je sais pas trop. Elle est engraissante. Elle est engraissante ou elle est épaisse, je sais pas. Mais en tout cas, parce que ça, c'est quand même un classique de Motown, interprété par les Four Tops. On l'écoutera pas au complet, mais simplement pour que vous voyez quelle énergie il traitait sa blonde de tarte. Ouais, ça coule. Il y a tout le genre, là. On ne l'écoutera pas au complet parce qu'on ne peut pas dire que c'est tout à fait douteux, mais c'est parce que quand même, elle est sous temps pour sa blonde. Là. L'autre, par contre, je ne sais pas, je suis sûr qu'il y a des amateurs ici de jeux de société. Wow, ça va faire un truc. Alors, ça, c'est un jeu qui s'appelait Splosion. Est-ce que ça vous connaissez quelque chose qui s'appelle Splosion? Non. C'est un jeu qui a été. C'est quelqu'un qui a été modifié génétiquement ou pas. En tout cas, son affaire, c'est qu'il explose tout le temps. C'est comme ça qu'il se débrouille dans la vie. Il s'éclate dans la vie. Et à un moment donné, il affronte un savant qui bouffe des beignes. Et voilà ce que le géant qui bouffe des beignes chante. Oh, celle-là! Mais on peut... Est-ce qu'on finit avec ça ou on s'en garde pour tantôt? Ça pourrait être l'hymne du SPL. C'est ça, il manque un SPL en arrière. Je sais pas, mais en tout cas, c'est inspirant quand même. OK. OK, on va arrêter celle-là là, pour le moment. OK, alors la prochaine que j'aimerais vous faire écouter, on va voir, il y a tellement de belles choses que j'ai découvertes. Ah oui, on va écouter ça en deux parties. On va écouter la première partie maintenant, puis on va écouter la version après. Est-ce que vous aimez ça, les petits nounours en jujube? Oui! Oui, hein? Alors, vous savez que la compagnie qui a fait les petits nounours en jujube ont fait un CD de chansons avec les petits nounours en jujube. Et oui. Et c'est un peu comme les schtroumpfs. Vous avez les chansons des schtroumpfs dans toutes les langues. Et ouais, vous avez super gay. Et vous avez aussi les chansons des Gummy Bears en toutes sortes de langues. Alors, je vous propose la version originale anglaise cette fois-ci, puis peut-être que quand je reviendrai, je vous ferai entendre la version hongroise. Et je pourrais vous la traduire parce que j'ai la chance de parler le hongrois. Alors, on va écouter peut-être un petit peu de Gummy Bear song. Look for the Gummy Bear album. Et il y a de la pub pour l'album aussi. Avec des voix glaçantes comme les Chipmunks. Videos and extras. Vous allez voir sa groove. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Oh, yes, yeah. Ça veut dire qu'on continue, c'est-tu rendu moi qui prends le micro, là? Ah, ouais. Oh, on est rendu là. Bon, ben, c'est rendu moi qui prends le micro. Je fais ça à 10%. Tiens, je vais prendre ça ici. Là, on va faire le tour. Problème technique! La prochaine fois, t'oublieras pas ton extension. Oui, je pense. Ben, c'est 60%. Okay. Ouais, ben, hey, merci beaucoup, Stéphane. Tiens, je vais prendre ma petite place ici, là, juste pour avoir la petite souris qui me donne accès à tellement de puissance. On se créerait comme dans le super pouvoir, là. C'est le film, le roman de Bernard Werber, que ça n'a pas rapport avec ce qui va se passer, ce qui s'en vient là, là. Les gars, vous avez lu les Bouctouches? On a lu et survécu aux Bouctouches. Vous avez la trilogie Bouctouchéenne. Bouctouchéenne? Oui. De l'univers brûléen? Oui. Exactement. Rapproche le micro un petit peu de ta bouche. Le Brûléverse, qui appelle. Le Brûléverse. Donc, on a Frédéric et Luc. J'ai pas compris vos noms de famille tantôt. Moi, c'est Frédéric Perron. Perron, il dit. Bouchard-Pigeon. Bouchard-Pigeon. Qui commence? Ben, je peux commencer un peu. Le premier que je suis arrivé en ma possession, c'était celui à Montréal, qui avait plusieurs péripéties. Ce qui m'a particulièrement fasciné, c'est cette capacité-là que Michel Brûlé a de pouvoir sauter du coq à l'âne, par exemple en quatre petites scènes, trois sujets complètement différents, et de me dire « Attends, où c'est qu'il s'en va avec ça? » Et de me dire « Peut-être que plus tard, je vais le trouver. » Surtout, était où la blague? Les blagues, c'est pas important. Moi, j'ai remarqué que dans sa trilogie, c'est comme un peu divisé en trois volets. Il y a à Montréal, à Star Epidémie, puis au Café de la Place Royale. À Montréal, c'est un peu plus politique. À Star Epidémie, c'est contre les médias. Puis au Café de la Place Royale, on dirait qu'il y a une thématique très personnelle. On se demande à un certain point si Michel Brûlé parle de sa vie. Mmh. Puis s'il nous raconte ses anecdotes. Mais on va poursuivre sur Montréal, qui est vraiment une pièce vraiment intéressante de la trilogie brûléenne. On a des leitmotivs assez fréquents chez Michel Brûlé, dont la revanche des Amérindiens. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler il y a deux semaines. Gêne-toi pas, là. Nous autres, c'est ton opinion à toi qu'on veut, là. Je sais pas pourquoi on dirait que ça revient souvent, cette révolution-là amérindienne, qu'on sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, c'est que Michel Brûlé est un fin analyste politique. Puis il analyse l'actualité politique, puis il voit où est-ce que ça s'en va sur le long terme. C'est comme un grand comme visionnaire. Comme Harry Seldon. Ah oui. En fait, ce qui se passe, c'est que les Amérindiens, de par le fait qu'ils ont traversé à un moment donné le détroit de Bering ou je sais pas trop lequel, puis qu'ils viennent de Russie ou de Chine, puis qu'ils ont un lien distant avec les peuplades qui habitent maintenant la Russie et la Chine, ils se préparent undercover en volant des bicyclettes. C'est important, là. Ouais. C'est les vélos qui... C'est le... Puis ah, c'est des intraterrestres aussi. C'est le point critique, là. Ils habitent sur le Mont-Royal. C'est tout écrit, ça. Oui, oui, c'est pas des blagues, là. On n'invente rien. Je sais. Puis, un jour, ils vont se préparer avec les Russes et les Chinois pour prendre leur revanche sur la pire racaille qui existe sur la Terre. Et là, Michel Brûlé, il dit ça, mais il est pas raciste. Pas du tout, ils détestent le racisme, mais les sales anglo-états-uniens... Les tabarnak. Ouais. ...vont se faire planter par les Russes, puis les Chinois, les Japonais et les Amérindiens. Les Japonais aussi sont là-dedans. Ben oui. C'est... Il y avait les Coréens aussi, je crois. Ouais, les Coréens aussi. Ouais. Les 12 familles, le New World Order, là, toutes ces affaires-là, lui, ils ont toutes vues. Mm. En fait, ce qui est fascinant, c'est sa capacité d'y aller à gros traits là, sur des clichés qu'on trouve même aberrants. Et ensuite, de revenir en disant, par exemple, « Moi, ce que je déteste, c'est le racisme. Ouais. » Et dans son le café de la Place Royale, est une œuvre complète de 50 pages de racisme sur tout ce qui existe. Le Mexicain, les Hongrois, les Roumains. On en a dit plusieurs, comme « Les hommes italiens s'intéressent aux femmes francophones pour les assimiler. » Rien de moins. Moi, je pensais que c'était pour autre chose. C'est parce qu'elles sont influençables. Les assimiler profond. Ouais, c'est ça. Staline est sadique et géorgien. C'est pour cela qu'il y a une affinité entre les anglo-états-uniens et les géorgiens. Hey, c'est tout à fait logique. Je me rappelle au début de celui des Bouctouches à Montréal. Il dit à un moment donné, là, Québec, c'est vraiment la plus belle ville au monde. Puis là, il y a un autre personnage qui dit, mais non, la plus belle ville, c'est Paris. Puis là, toutes les Bouctouches, ils disent en même temps, maudit français. D'ailleurs, au café de la Place Royale, ils ont parlé de l'immigration française, puis ils ont dit que les méchants anglophones flattent les Français dans le sens du poil en leur disant que leur parler français est meilleur que le nôtre, qu'on est comme des habitants pour se faire des alliés contre nous. Il y a des gros complots que Michel Brûlé a vus dans sa grande sagesse. Tu veux dire entre les Canadiens anglophones et les descendants de ceux qui pensent que la reine c'est important? D'ailleurs, les Canadiens anglophones, ils les comparent à des clones aux Américains. Évidemment, les Américains, c'est la pire de toutes les espèces. Ouais. Puis il a aussi expliqué, il y a une analyse du langage assez fine. Il a expliqué pourquoi bacon veut dire argent dans le vocabulaire anglo-états-unien. C'est parce que le bacon, c'est aussi important pour eux que l'argent. Parce qu'ils sont gros. Ouais, aussi, ils en mangent au moins 300... 200 à 300 grammes par jour. Par jour, minimum. Un bon anglo-états-unien fait ça. Bon travail. Excellent. Puis on parle d'anglo-états-unien, C'est le terme utilisé, là. Ouais, c'est le terme utilisé, là. C'est pas des préférences personnelles. C'est bon. Aussi, Michel Brûlé, dans son anglophobie, déteste utiliser le moindre mot d'anglais, les anglicismes. Par exemple, il va appeler New York « Nueva York », New Amsterdam « Neu Amsterdam ». Le crime, je l'avais pas remarqué, ça, c'est pathétique. Ah oui, il y a des... Il est tellement pas raciste. En lisant plus le texte, on découvre d'autres couches d'interprétation. Par exemple, quand il prend une marche, ça revient dans deux de ces... dans celui à Montréal, puis dans Star Epidemy. On peut pas dire qu'on prend une marche. C'est un anglicisme. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est mal. Il faut faire une marche. Ouais. Et ouais. Il en parle aussi à Montréal. C'est ça, exactement. Puis il part sur une histoire, des fois c'est une demi-page, mais sur la marche, là, on va y mettre le gros paquet, on va mettre deux pages là-dessus. C'est important. Donc, disons de moins 10 à 10, vous vous situez où à peu près avec Michel Brûlé? C'est difficile, je vais essayer de faire ça, de Parce séparer les trois. Parce que le niveau de médiocrité est quand même assez élevé, là. Je dirais que c'est du 0.35 pour Montréal, puis au café de la Place Royale. Mais seulement 0.3 pour Star Epidemy, il est un peu moins juteux. Surtout que dans Star Epidemy, on sent qu'il y a une histoire, ce qui n'arrive pas dans les autres. Puis, aussi, c'est que Star Epidemy, c'est un récit émouvant sur l'art de s'accepter tel qu'on est. Oui, puis c'est là qu'ils se rencontrent aussi, les personnages. Au début, ils ne se connaissent pas, là, puis ils se plaignent qu'ils ne sont jamais en amour. Là, puis que... Oui, parce qu'ils ne sont pas beaux, mais ils apprennent à s'aimer, puis ils se rendent compte que ceux qui sont beaux, ben, ils sont malheureux des fois à cause... la télé-réalité. Ah oui, elle transforme en citation personnelle. T'as pas besoin d'être belle pour être heureuse. Wow. Révélation. Cool. Enfin, on recommande ces trois magnifiques œuvres-là pour ceux qui veulent s'ennuyer. Pour tout du terroir, s'arracher les... Ah oui, le consensus est autour de Michel Brûlé et de ses... Ah, ben, merci beaucoup, Frédéric Perron et Luc Bouchard-Pigeon. Avez-vous fini votre... Oui, moi, j'ai terminé. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Bon, je pense qu'on fera jamais le tour. Ah oui, j'ai remarqué dans ceux qui participent à cette émission qu'il y a beaucoup de gens qui ont des sacs à dos. Tenez-vous-le pour dit, dans l'idéologie brûléenne, ceux qui portent les sacs à dos, ce sont les pires individualistes de la société et les pires égoïstes parce qu'ils passent leur journée à accrocher les gens. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait en Russie pour ça? Ils ont inventé le cocktail Molotov. Là-dessus, on rit. Je pense qu'on va aller écouter À la poubelle de Michel Brûlé, notre intéressé. On lui souhaite que du bien. À un moment donné, il va venir nous donner des conseils. Comme là. Là. Vos céréales sucrées de culture transgénique, vos poulets à toi faits de gaver d'hormones chimiques, votre cola remplie de sucre et de colorant, vos fumes qui font de la pire bière la plus populaire, vos gommes, vos chips qui vous donnent l'air de ruminant, vos cigarettes qui rendent accro toute la planète. Consensus général ici, on a décidé de pas la finir. Fait que si la Socan donne moins d'argent à Michel Brûlé, ce sera de sa faute à lui. Elle niaise pas avec ça, nous autres. Bruno Corbin, aux nouvelles? Oui. Alors, gros dossier ici, crime de mineurs. Alors, il y a Julie Murphy, 7 ans, qui avait décidé de s'ouvrir un stand à limonade lors du Last Thursday Arts Festival de Portland, qui se déroulait jeudi dernier, je suppose. Et quand les inspecteurs du département de la santé se sont présentés, lui affirmant qu'elle avait besoin d'un permis de restaurant temporaire afin d'opérer son entreprise. Les inspecteurs lui ont alors annoncé qu'elle devait cesser ses activités immédiatement ou faire face à une amende de 500$. Il semble que ce n'était pas une si bonne idée puisque plusieurs marchands se sont attroupés autour des deux inspecteurs protestant leurs actions. Jeff Cogan, directeur du comté de Multnomah en Oregon, a affirmé que les inspecteurs se sont sentis menacés. Mais Julie Murphy et sa mère ont calmé la situation en acceptant de s'en aller. Les inspecteurs ont aussi eu la bonne idée de s'en aller à ce moment-là. Les fonctionnaires du comté se sont d'abord mis du côté des inspecteurs, affirmant que d'aller dans un événement public et d'installer un magasin fait que vous êtes engagé dans un commerce. Le fait qu'il soit à petite échelle n'est pas pertinent. Cogan, par contre, a décidé que c'était pertinent, au moins quand c'est une petite fille de 7 ans qui est supportée par une foule armée de fourches. il a personnellement appelé la fillette afin de présenter ses excuses pour l'incident. Quoique les inspecteurs suivaient le livre des règlements, a-t-il affirmé, un stand de limonade est une chose classique et iconique que les enfants font. Je ne veux pas travailler pour ceux qui les obligent à les fermer. Voilà. Oh boy! Ouais. Fait qu'on peut ouvrir un stand à c'est limonade. C'est correct d'ouvrir un stand à limonade à Portland, en Oregon, pendant un événement. Pourvu qu'on ait des amis qui aient des fourches. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça prend une gang qui est avec toi. Une gang avec toi. Je pense qu'avoir 7 ans aide aussi. Ouais. Puis d'être une fille. Encore. Mais ça aide pas tout le temps à être une fille dans toutes les situations de la vie. Eh hey, ben, aujourd'hui, j'étais allée passer une entrevue, puis j'ai été refusée parce que j'étais la blonde d'un gars. Non, t'as été conjointe, c'est pas pareil. C'est pas parce que t'as été une fille. Si t'avais été le chum, puis que, tu sais... Que lui, si t'avais été un gars, c'était alors, encore moins t'en régler. Ça, ces problèmes-là, aujourd'hui. Je peux-tu faire mon autre nouvelle? Ah ouais! Non. Adam Hernandez, 15 ans, était dans la cafétéria de son école secondaire de Shorewood, dans l'État de Washington, et mangeait son lunch. Son ami Gakari Gardner avait décidé de lui donner ses croquettes de poulet incluses dans son repas d'une valeur de 2,60$ parce qu'il jeûnait ce mois-là et ne mangeait pas de viande. Hernandez s'est alors présenté au comptoir de la cafétéria pour obtenir de la sauce pour ses croquettes. La caissière a alors appelé l'assistant. La caissière a appelé l'assistant directeur afin de lui mentionner qu'Hernandez avait volé les croquettes du dit repas à 2,60$. L'assistant directeur a appelé la police qui s'est présentée sur les lieux quelques minutes plus tard, menottant Hernandez et l'amenant au poste de police dans leur voiture de patrouille. Quand il a expliqué aux policiers que Garner lui avait donné les dites croquettes, on lui a répondu que son ami recevait un repas gratuit du gouvernement fédéral et qu'il était illégal de partager un tel repas qui, je vous rappelle, vaut 2,60$. On lui a alors donné une amende de 170$. C'est moins cher que pour les stands de limonade quand même. Voilà. Hernandez, qui avait l'intention de contester l'amende en cours, n'aura finalement pas à le faire car l'attention que les médias ont portée à cette histoire a causé la police à retirer ses accusations. S'il vous plaît. Go les médias, go nous autres, puis go moi! Go toi! Hey, come on! Ils l'ont menotté, là. Ils l'ont peut-être deux piastres et 60. De croquettes de poulet. Ouais. Même pas deux, parce qu'il y avait peut-être le des gars, il était peut-être avec... à côté en train de dire, ben non, mais j'y ai donné. Arrêtez, c'est moi qui y ai donné. Puis là, ouais. L'autre, il disait, c'est lui qui me les a donnés. Il y en avait deux qui étaient. Puis là, non. Présence policière. Présence policière! Hey, vas-y, Israël, là, parle-nous de tes découvertes de la semaine. Ah ouais, ben, j'ai été à Rouyn-Noranda, puis mis à part le fait que maintenant, j'ai mis mon innocence dans la balance, mis à part le fait que je suis rendu chum avec les vulgaires machins, bras dessus, j'ai été au cabaret de la dernière chance, qui est un petit bar à Rouyn, je suis rentré, puis un poste d'ordinateur libre au cabaret de la dernière chance pour aller voir ton Facebook pendant que tu festoies avec tes amis. Puis il y avait un gars, cheveux longs, assis là, en train de checker son Facebook. Puis je l'ai reconnu. C'était Meux, man. C'était Meux. Pow! C'était Charras. C'était Charras de Meux. Fait là, je dis, hey, t'es Meux? L'autre dit, Meux oui? Il dit, Meux oui? Fait là, commence à y jaser ça. Puis c'est ça, il me dévoilé tous les secrets de Meux. Puis je l'ai invité personnellement à venir jouer au troisième foire du douteux, et criez-moi pas, il va venir, c'est confirmé. Headline la soirée d'ouverture. Non, ça va être le monde dans le feu, que ce soit le monde dans le feu. Non, Todd Smart pas Meux, là. C'est j'ai sûr. Promis des affaires à lui. On headlinera l'autre soir. C'est ça. Puis j'ai même parlé avec lui de faire un concours qu'on pourrait faire tirer, puis remplacer Tibra pour une toune, genre. Hey, c'est bon, ça! C'est ça, en fait, tu achètes ton ticket de 2$, puis tu risques de pouvoir jouer des cannes. Remplace Tibra pour une toune, faut que tu sois sous, Pierre. Fait que j'avoue que j'avais beaucoup de questions pour Meux, tu sais, tu arrives, tu le connais pas, puis... Puis tu respectes son œuvre. Fait que j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions. Mais ça commençait avec des cassettes audio. Puis il y avait même les paroles dedans. Puis il m'a même montré une des dites cassettes audio. Il dit commandement de Meux sur lequel il y a Chienne à coke. Puis là, tu rouvrais la cassette. Puis là, c'était écrit Chienne à coke, entre parenthèses, riff punk rock. Tu peux pas te tromper. Pour nous autres, c'était du métal, mais pour lui, c'était trop fif. Ouais, c'est ça. Il m'a aussi raconté que dedans la première cassette de Meux, un moment donné, son père rentre dans l'appart et dans la pièce plutôt. Et on voit que Tibra vient mal à l'aise en arrière de lui. Charas lui continue. Charas, il est peur. Charas fait ah. Mais là, Tibra, il arrête de jouer du drum. Puis, tu sais, il fait comme signe à la personne qui vient de rentrer. Voyons, il est fou, lui, tu sais. Mm-hmm. Puis, on a su que vraiment c'est le père de Charest qui est rentré cette fois-là. Fait que si vous êtes des fervents amateurs de Meux, vous allez catcher pourquoi Tibra arrête de jouer pendant la toune des Kodiak de l'équipe de basketball d'Amos. Ouais. Autre fait très important sur Meux, on remarque que Tibra s'en va. Et c'est vraiment confirmé, c'est parce que le père de Tibra voulait plus qu'il fasse des siennes dans le village. C'est ça. Ça, c'est le chemin Vautrin. C'est là que Joachim y reste. Ça, c'est la dernière toune qu'ils font ensemble. Ouais, le regretté Tibra. Mmh. Et ensuite, on a su aussi que c'est sa mère qui filme. Ça, c'est pur. C'est la mère de Charest qui filme dans tout le village de Pressac. Puis, j'ai su, il m'a même dit, il m'a même conté ça. Voyons, sa mère, là, il faisait la tournée. Puis. Là, il voulait faire une toune sur le bord de l'église. C'est même Baudry de me donner les paroles, du genre quelque chose, fuck la religion. Ah! Mais puis ça, là, il était sur le bord de faire la toune sur le bord de l'église. Puis sa mère a dit qu'il était pas à l'aise avec ça. Fait qu'elle était correct pour se faire traiter de chien à coke toute la journée. Elle voulait pas faire la chanson sur le bord de l'église. Ouais, ça sent grand-papa, c'est ce qu'il aurait dit, ça. Ouais, c'est fou. Puis là, il m'a permis. Fait que, tu sais, on sait qu'il y a eu de la chicane. Puis que son père voulait plus que ça passe, que des affaires de déshéritage de famille, en tout cas. Mais il me dit, moi, Ameux, Charas, me dit personnellement, OK, tu peux les passer avec tes chums, les vidéos. Là, il cope avec ça. Puis là, il est vraiment très excité. Et il demande même aux gens, c'est pour ça que je vous en parle ce soir, si vous avez des vieilles cassettes audio d'artistes, genre Kathleen, Boom de Jardin, des affaires de même. Faut nous les envoyer à douteux.org, qu'on les envoie à Charas parce qu'il fait le prochain démo de Meux, justement, pour le soir où il headline pour nous autres. Oh yeah! Fait qu'il va sortir un nouveau démo audio, puis c'est ça, il va enregistrer ça sur des cassettes d'artistes connus parce qu'il veut, que Meux écrase la masse musicale. Puis, en même temps, c'est un double sens, parce qu'il dit aussi que Meux est pas meilleur qu'eux autres, dans le fond. C'est pour ça qu'il va reprendre les vieilles pochettes. Il va prendre l'huile. Ouais, c'est bon aussi. C'est bon, mais Meux écrase la masse. Meux écrase la masse. Meux écrase la masse. Meux écrase la masse. Somme toute, c'était vraiment une très belle fin de semaine. Ça fait une semaine de ça, dans le fond. Juste une semaine exactement avant que la compagnie créole passe à Rouen. Ouais. C'est pur, ça aussi. C'était vraiment. Est-ce que la compagnie créole a écrasé Meux? Non. Meux écrase la compagnie créole. Ouais, ok. Je suis sûr qu'en combo corps à corps aussi. Moi, j'ai bien aimé ça parce que j'y ai écrit un beau email sur Facebook là, pour lui dire qu'on était rendus des amis là, pour qu'il soit au courant. Puis à cette heure, on est amis Facebook, c'est-à-dire comment on est intime. Mais des fois, j'arrive chez nous, puis il est écrit en lettres majuscules « C'est qui la chienne à coke? » Je sais que c'est toi. Ah, ben, c'est parfait ça. Merci beaucoup, Israël. Ben je parle de mon vécu, hein. Un dossier qui était mené de main de maître. On va écouter un petit bout de Vidéoville avant de s'en aller vers la fin de l'émission. Ben là, il reste une demi-heure. Ben c'est ça, s'en aller tranquillement. T'as-tu la toune de Meux? Ah non. c'était la blonde de les Manu. Les tueurs. Manu, la blonde de Manu. Autant dire du meurtre. Gina, vous connaissez beaucoup de gens prêts à devenir la cible d'un meurtre? Vous n'êtes pas sans savoir que tous nos tueurs sont de véritables prisonniers condamnés à mort. C'est une alternative à la peine capitale que Slayer leur offre. Celui qui reste en vie 30 fois de suite est un homme libre. Reconnaissez qu'il y a plus ingrat, comme deal. Et certains de ces hommes ou femmes ont survécu assez longtemps pour être libérés? Je tiens à rappeler que Slayer a été développé avec la bénédiction puis la collaboration franche et massive du gouvernement et que les bénéfices qu'il génère financent le système carcéral du pays, système qui permet d'enfermer les méchants, et que le peuple a soutenu ce projet en votant à 68% pour sa création. Un soupçon de fraude informatique a entaché ce vote. Et si nous parlions plutôt de ces détenus figurants intégrés dans Slayer, programmés à l'avance pour accomplir mécaniquement des actions, en fait personne les contrôle, ils ne peuvent rien faire ni réagir, leurs chances de survivre frisent le néant. Beaucoup de prisonniers n'ont pas la carrure pour devenir des slayers. Ne doit-on pas leur accorder une chance? La liberté sur un coup de dé? Ils sortent s'ils survivent à une session. Je vois. Dites-nous, Monsieur Castle, ça marche comment? Tout commence par une nanocellule que l'on implante dans le cortex moteur. Cette cellule se reproduit et remplace celle qui l'entoure par des copies à l'identique. Et ces cellules jumelles sont conçues pour être contrôlables à distance. De fait, nano plus cortex égale nanex. Est-il juste que tout individu participant à cette procédure se voit décerner une adresse IP unique comme celle de nos portables ou de nos ordinateurs? C'est un peu ça, mais le contrôle du sujet est réduit aux stricts paramètres de nos environnements de jeu. Dans Société, que vous connaissez, une fois qu'un des acteurs quitte le plateau, il est totalement libéré de l'emprise et de la surveillance de son gamer. Oh, en voilà une bonne nouvelle. Pour certains, sûrement. Pour certains. Ne croyez pas qu'il y en a plus d'un qui aimerait qu'on les mène un peu. Avoir quelqu'un qui décide à leur place. Plus de choix difficiles ni de responsabilités. Pensez-y. On y pensera, Monsieur Castle. Vous pouvez y compter. Le Gina Parker Smith Show vous a été proposé par... Slayer. Avec le feu, ça va vraiment être bon. on est complètement coupé, on peut rien dire. On est silencieux devant tant de génie. Oui, c'est ça. C'est vraiment monté comme un jeu vidéo. Là. Il nous shoot la séquence d'histoire au début, puis après ça, on n'en parle plus. Là. On aime bien gros ça de même. Hein. Les passes de bureau limitées, puis plus de tontons. Hein? Mm-hmm. Ah, des tontons. On dort bien le soir quand il y a des ça, c'est ça. Hey, moi j'ai amené ici. Je suis sûr que ça va mettre le feu à des passions. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Là. C'était sur le portail canoë.ca. Ah oui. Ouais, ouais. C'est un article de Madame Sophie Bienvenue. En 10 points, elle nous apprend comment réussir son adultère. J'ai trouvé ça fabuleux. Je me suis dit, faut amener ça en onde. C'est le genre d'affaire qui met le feu à mon basic, ça. La dame, qui est une auteure, quand on cherche sur Internet, elle a son petit blog et elle écrit les choses qu'elle a fait pas mouiller, mettons. Ou mouiller. Donc, que ce soit pour casser le quotidien, parce qu'il manque quelque chose dans votre couple, ou pour le désir de la chasse, habitué aux escapades extra-conjugales ou néophyte en la matière, une chose est sûre. 2 points. Si chérie l'apprenait, ce serait la fin du monde. Donc, comment faire pour réussir son adultère? Donc, l'ennemi numéro 1 de l'adultère, c'est le cellulaire. Si votre conjoint peut rejoindre à n'importe quel moment, il vous appellera. Loi de Murphy oblige. Alors, Alors que vous êtes occupé à 3 points, autre chose soulignée. Oubliez souvent, entre guillemets, votre téléphone sur le mode vibration, même lorsque vous ne faites rien de répréhensible. C'est de la préhension qu'elle dit. C'est de la prévention qu'elle dit, ouais. L'autre prendra ici l'habitude que vous ne répondiez pas et ne soupçonnera rien. C'est beau, hein. Effacez toutes les preuves, toutes. Ne gardez aucun ticket de cinéma, facture de restaurant, SMS, aucun courriel. Ne gardez pas non plus les messages où vous parlez de l'autre à votre meilleur ami. Au féminin, bien sûr. Ce qui nous amène au point suivant, celui que vous ne suivrez pas. 3e, n'en parlez à personne, même pas à votre meilleur ami, même pas à votre mère. Si vous avez besoin de vider votre conscience, payez-vous une séance chez le psy et déballez-y tout ce que vous avez à dire. Ben, pourquoi pas le faire avec le psy, tant qu'à faire, Skip une étape, là, ou sinon, t'en parles avec le gars que t'es supposé faire confiance à, je sais pas. Ne changez pas, ne soyez pas désagréable, en parenthèse, du moins pas plus que d'habitude. Parce qu'on sait qu'être désagréable, ça vient dans la vie de tous les jours. Mais ne tombez pas non plus dans l'excès inverse, ne soyez pas plus amoureuse. Vous vous sentez coupable, récitez 3 « Je vous salue Marie » et reprenez votre vie normale. Oh, c'est... On voit, là, on voit l'âge de la personne. Merci, Jésus. Oh, non, non, c'est une jeune fille. Ah oui. Si vous le... il y a des photos, là. C'est y a quoi sarcastique. Faire. Si vous ne voulez pas avoir à répondre à la question « Où as-tu appris ça? » N'essayez pas de nouveaux trucs au lit. Donc, ça devient de la prévention vraiment néfaste, tranquillement. Toujours dans le but d'effacer l'épreuve, payez toujours en cash ou mieux, faites-vous inviter. Dans le but de ne pas avoir à vous justifier, choisissez vos moments. Voyez numéro 2 durant vos heures de bureau et prétextez au patron un rendez-vous chez le gynéco. C'est débile. Ça veut dire qu'il faut que tu connaisses ton ennemi pour mieux l'amadouer. C'est tout des trucs de ninja, ça, dans le fond. Ben oui, c'est sûr. Elle a eu l'art de la guerre de la haute je suis ben, sûr. Ben, c'est ça. Parce ça que dans le fond, le but, c'est de connaître ton ennemi pour être capable de le manipuler pour réussir à gagner sans qu'il y ait de combat. C'est ça, le but ultime. Mm-hmm. Donc, numéro 8, attention aux odeurs. Changez-vous juste avant de voir votre amant. Profitez-en pour être un peu plus sexy tant qu'à faire. Parce que tu l'es pas pour ton chum. Tabarnak. Câliner, frencher, baiser, laissez-vous aller. Parce qu'avec lui, c'est correct. Ensuite, appliquez un peu de votre crème pour le corps pour camoufler son parfum et remettez votre linge du matin. Si vous avez suivi tous ces conseils et êtes sûr de vous, niez jusqu'à la mort tout ce que vous direz pour être retenu contre vous. Pleurez, pratiquez le chantage émotionnel, menacez de le quitter parce qu'il ne vous fait pas confiance. Et tabarnak. Ça s'appelle cynisme un peu. J'sais pas. Il y a des moments où il faut choisir entre être en couple sans aucune morale et célibataire à la bonne conscience. Et on nous dit c'est quoi le bon choix là-dedans? Ouais. C'est débile. C'est pour les jeunes femmes modernes qui vivent des aventures tellement préoccupantes puis qui sont tellement occupées. Numéro 10, avouer. Bon, finalement on est rendu. Ouais, c'est mais... le 10e truc pour l'adultère réussi. Si malgré tous vos efforts, l'autre commence à se douter de quelque chose, les hommes aussi ont des antennes et des intuitions. Parfois. Avez-vous remarqué ça? Hein? C'est quand je suis bandé, c'est-tu là, j'ai une intuition? C'est ça mon intuition? Dites-lui et faites quelque chose qui va le fâcher à coup sûr. Hein? T'avoues, puis tu fais de quoi? T'sais, c'est comme casser le doigt à quelqu'un qui vient de recevoir une balle dans la jambe. Ça charge le mal de place. C'est ça, recommencez à fumer, scratchez son auto, dites-lui que vous détestez son meilleur ami, un moindre mal. Mais le avouer, moi je pensais que c'était pas avouer la relation, en fait, c'est avouer comme quelque chose qui va le faire chier pour que ça détourne l'attention. Ouais, c'est ça, c'était comme s'il y avait une poche de bon sens au bout de toute cette diarrhée, puis finalement il n'y avait rien. Ok. Merci, Elisabeth. Ah ben tu peux approcher le micro pour qu'on entende ce que tu dis, hein? C'est tout le temps plus intéressant. puis sinon, la très très très auteure Sophie Bienvenu termine son article en disant « L'examen de conscience aura lieu un autre jour. Peut-être brûlerez-vous en enfer pour l'éternité, mais au moins vous n'y cramerez pas seul. » C'est débile, hein? C'est de la web information qui est fraîche de ce mois-ci. Ouais. C'est ce qui aide les gens à grandir. C'est... Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Bienvenue. Bienvenue, aller sur Sophie. Sur son blog. Invité! Ben, c'est sûr, j'ai envie de faire un gros câlin. Hein. Tout va aller mieux dans le futur. Hey, Stéphane, je pense qu'on va te garder pour la fin. Comme ça va être moins de troubles. Tu vas faire la trame sonore des 10 dernières minutes. OK, comme les 10 commandements. Hein. Ouais, c'est ça. Puis là, on va parler avec Kate. Après ça, on va faire les dernières nouvelles à Jean-Paul là-bas. Puis après ça, je vais faire mon petit bout de film avant de mettre une autre dernière séquence. Kate! Oui! Donc, je suis dans le Cool 2010, ce qui est... Ben, en fait, je vais faire un petit historique de ce qui se fait comme revue pour adolescentes ces jours-ci. À l'époque, on avait droit à Adorable, à Cool et à Fille d'aujourd'hui. Maintenant, on a droit... les choix se sont un peu restreints parce que la plupart, là, ça s'est divisé en plusieurs catégories. Mais pour les 11 à 14 ans, il n'y a plus que Full Fille et Cool. Ah. Sinon, c'est de la revue française ou de la revue américaine comme Jeune 13, etc. Jeune et Jolie. Jeune et Jolie, ça, je pense, c'est français. Oui. C'est bon. L'autre est soit Belle et Tais-toi, oui. Non. Après ça, on monte à Fille d'aujourd'hui, mais qui est destinée à un public adulte et qui ne. Ben, adulte, mettons 16 à plus vieux, 16 à 20 ans, disons, puis ça parle que de sexe et comment faire la meilleure fellation, comment être l'amante parfaite, tout connaître du sexe. C'est important. L'amour anal, pourquoi hésiter, blabla. Faut tenir ses arrières et aller de l'avant. Aller de l'avant. Oui, mais on a le numéro spécial, c'est sur Carve l'Antigala. C'est Vrac TV, là. Ouais. J'ai remarqué la chronique, ça passe ou ça casse. Donc, ils posent des questions à des gens, à des auditrices, en fait, pas des auditrices, mais à des lectrices sur Internet, comme Christina Aguilera contre Lady Gaga. Puis là, ils expliquent que Christina Aguilera fait son coming back, puis là, qu'est-ce qu'en pensent les auditrices, puis ça casse à 73 %. Le teint pâle l'été, ça casse à 56 %. C'est bon, mais c'est quoi le fait que quand on mange des affaires, on sait pas toujours qu'est-ce que c'est? Ben, ça passe à 71%. Yeah. Oh, c'est un de trop. Oui, c'est ça. Des ongles au marqueur, le fait d'être dans ses cours puis de se mettre du liquid paper ou du marqueur sur les ongles pour se faire une manicure, ça casse à 60%. Fait que c'est dit. C'est important de savoir ça quand même. Ah, c'est touchant de savoir ça. Ben oui, mais une chance que maintenant je sais que. Ben, je vais arrêter de le faire. Il hein? Ben oui. Faut pas que tu le fasses à 60%. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait 40% de tes ongles. Droit de le faire à 40%. Ben, c'est ça. Deux chances sur cinq, moi je l'attente. Ouais. On a ensuite une entrevue avec Katy Perry, la Candy Girl, avec un U. La citation, c'est « Je me suis souvent retrouvée sur la liste des stars les plus mal habillées. Et je m'en fous complètement. » Ah ouais, ça c'est important de le dire que tu t'en fous pour être sûr que le monde c'est le sache ça, que c'est tu ça. T'en fous. Oui. C'est comme ouais. Michel Brûlé qui haït les racistes. Ouais. Ouais, puis elle nous parle de plein d'affaires comme son chum. Tu fais que t'es en train de nous dire que la thématique générale a pas vraiment changé entre 2004 et 2010. Mais tu viens-tu de réaliser ça? Ben, on peut espérer. Moi, j'avais encore espoir, là. Ouais, c'est ça, on peut espérer, là. Là, la chronique mode, on est dans une rentrée stylée. Puis là, il nous explique des choses par rapport avec les mosses pour chaque silhouette, dans le sens que si tu es grande, ronde, petite, poire ou filiforme, qu'est-ce qu'il faut que tu portes? Mets du linge hostie. Donc, on a le jeans foncé, puis là, il t'explique comment choisir ton jeans si t'es comme ça. Faut que tu t'assis dedans, tabarnak. Après ça, t'as la jupe branchée, si tu es ronde, poire, grande, petite ou filiforme. Le chemisier imprimé, le cardigan BCBG, le blouson d'allure cuir, la robe tout allée. Le jumping suit, non? C'est ça. Après ça, t'es en beauté pour la rentrée. Là, c'est la chronique pub déguisée. Ça, il n'y en avait pas avant. Là, il y en a plus maintenant. C'est beaucoup de... Achète ça, tel magasin pour l'acheter, telle couleur, tel magasin pour l'acheter, tel produit. Avec le prix à côté. Avec le prix à côté, toi. Ah, elle a fini ça vite, là, parce qu'on déborde pour la fin, puis ça, on l'a déjà vu. OK. Hey, abonne-toi à Cool, ton cadeau reçoit une palette de maquillage estival en cadeau. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux offrir un abonnement à ton ami, mais c'est toi qui as la palette de maquillage en cadeau. Ça, c'est... Ça, j'ai bien aimé ça. Ils t'ont donné deux petits marqueurs Cool aussi, avec l'achat de ta revue. Oui, oui. C'est comme... Pour te faire une manucure avec. C'est comme Tiff Gadget, dans le fond. Ben, pas mal. Je pense que mon MOS, par exemple, c'est le petit guide de la déclaration d'amour. Ils te disent comment faire une déclaration d'amour. Avec la bouche. Puis l'air de tes poumons. Puis ils disent préparation de la combattante, jour D, quel est le moment idéal, l'attente de la guerrière et à éviter. Ah, c'est bon. Ah ben merci bien gros, Kate Lelet. Ben... Moi, je te dirais que la grosse évolution que j'ai remarquée, c'est la mise en page, en fait. Je trouve que la mise en page est... beaucoup moins bien faite et beaucoup plus agressante maintenant que dans l'édition de 2004. Yeah. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Plus éclaté. Ouais, ouais, check ça. On dirait qu'un schtroumpf a vomi de la barbe à papa. De la salle, c'est pareil qu'il a vomi. Oui, c'est ça, de la rose. Hey, let's go, Bruno, tes deux nouvelles, on aime ça. D'accord, alors, on commence par quoi? Vous vous souvenez de Steve Crusher? C'était l'homme de Waukegan, en Illinois, qui avait changé son nom pour In God We Trust. Ah oui. On s'en souvient. Il a présenté une pétition le 1er juin afin de rechanger son nom. Non, il voulait pas revoir son ancien nom. Il voulait maintenant s'appeler One Nation Under God, en fait. Vendredi dernier, la juge Helena Rosenberg devait prendre une décision. Elle a accepté la requête. Le changement de nom est maintenant officiel, donc. Under God décrit le changement. Under God! Ouais, c'est son nom de famille. Under God décrit le changement de nom comme un appel afin de ramener les Américains à la phrase, afin de renverser la législation de l'avortement. La légalisation, pardon. C'est pourquoi Under God ne veut plus prononcer le serment d'allégeance. Je ne crois pas que nous pouvons le faire en tant que nation avant que la légalisation de l'avortement ne soit renversée, a-t-il affirmé. Ces changements de nom sont une expression artistique de lui-même, ajoute-t-il, et il compte rechanger de nom encore 7 fois. Moi, je compte rire de lui encore 2 fois en ligne, skipper les 4 suivantes, puis une dernière fois à fin. Tout en mettant un petit affidavit au début de l'émission. Voilà, allez, let's go, ta dernière, mon gars. Ronald White de Camden au New Jersey a été arrêté par la police le 7 juillet dernier pour vol à l'étalage. Après son arrestation, White a utilisé $400 en argent afin de payer sa caution. Le jour suivant, la police a découvert que 5 des billets de 20 que White avait utilisés étaient faux. Le mercredi suivant, White est retourné au poste de police, affirmant qu'il avait payé trop d'argent pour sa caution et voulait en ravoir. En lieu de ça, la police a arrêté White pour contrefaçon et ont trouvé 2 autres faux billets de 20 sur sa personne. Donc White restera en prison faute de payer sa caution de maintenant $5,000. Là, ça, ils prendront pas juste des 20, sûrement. Des 100 en place. Hey, voilà. Hey, ben, merci beaucoup tout le monde, Elisabeth, tout le temps pratique. Bruno, on s'en va écouter l'autre affaire. Uh-huh. Stéphane, toi, tu vas transférer de ce bar-ci pendant que je lis mon petit tech sur Gamer. Puis après ça, ben, tu vas pouvoir avoir le contrôle, puis on va moins se marcher ses pieds. Kate, merci beaucoup d'être passé. Ben, ça me fait plaisir, tout le temps. Eh ben, ça a été très pertinent, je pense. Mais jette plus de revues, s'il te plaît. Non, mais c'était pour aller au fond des choses. Ouais, c'était c'était pédagogique. Oui. Et puis, ben, merci beaucoup, Israël. Bonne soirée. Ben ouais, on s'était au courant avec Meux pis tout, là. Alexandre Fortier. Quel homme. Moi, je suis un gros fan. Donc, on parle de Gamer un petit peu avant d'aller passer faire autre chose. Gamer au complet. Ouais. Gamer. En fait, j'ai pas fait tant de recherches que ça à savoir qui étaient Mark Neveldine et Brian Taylor. C'est les deux réalisateurs et producteurs du film de ce soir. Ces deux gars-là ont commencé à réaliser et produire des films en 2007 avec le néfaste Crank, aka le Transporteur 4, pour poursuivre avec Crank 2, aka le Transporteur 23, en 2009. En fait, en 2009, ils ont pondu les 2-8 de l'année, soit Crank 2 et Gamer. En tout et pour tout, on est devant plusieurs millions de dollars de production cinématographique qui explose. Vous allez encore plus le voir ce soir que lors du visionnement de Crank 2. Donc, quelles sont leurs idées de fond? De caricaturer la société de consommation moderne? Ils ont ciblé leur public cible, capitalisé sur les idées des autres, les lier à leur sauce génération MTV, rajoutant 1-2 gros noms génériques, quelques explosions puis go. Car tout comme pour Crank 2, mais plus dark que drôle, le film de ce soir nous montre une caricature tellement exagérée de cette société qui leur permet justement de produire des millions de dollars de moins 8 en batterie que l'on va en rire en sapristi. Gamer, si c'était une personne, elle aurait l'encéphale impossiblement gros au point qu'un tuteur lui serait indispensable pour tenir sa tête droite. Il serait épileptique, accro à la masturbation, prompt aux hallucinations, sociopathe et sentirait mauvais. Il n'aurait pas de parents, vivrait seul et mangerait des pop-tarts trempés dans le sirop contre la toux, tout en fantasmant sur tout ce qui peut se mettre dans les sens. Oui, c'est terrible les situations que vivent les antagonistes de ce film, mais aussi gros et gonflé, on n'y croit que trop pas. À la fin, le méchant avait tout prévu, sauf le plan de LL Cool J, le rebelle. Donc, soit vous laissez impressionner par un film flamboyant au rythme rapide et au scénario coup de poing, un film doté d'une qualité de production évidente. Soit vous faites comme nous et vous voyez la basse tentative d'amadouer un public cible influençable et évident à l'aide d'explosions gratuites, de démonstrations de violence futiles sur fond d'histoire de vengeance personnelle de filles kidnappées qui aura coûté certainement bien trop cher à produire. Oh, et dans un cas comme dans l'autre, il y a des tontons en masse. Ça, on aime ça. Je laisse le micro à Stéphane Kensetti. Il va vous fermer l'émission de belle façon. C'était Tommy Godette au micro. On était à 70%. Faites attention à vous autres. Là, il est en train de se placer, là. Ouais, c'est ça. Et les joies du direct, n'est-ce pas? Quand ton portable tombe en panne, qu'en pleine onde, c'est la joie. Mais on peut y aller avec quelque chose. Oui, ça s'en vient. Ben, compte une joke. Oui, alors, on va y aller avec une joke. C'est une excellente idée que Tony m'a proposée. Alors, connaissez-vous l'histoire du fou qui peinturait son plafond? Ah ben, c'est un fou qui peinturait son plafond. Il y a un autre fou qui dit « Tiens-toi, prends ton pinceau, j'aurais besoin de l'échelle. » C'est bon, ça. OK, alors, un autre. Savez-vous, qu'est-ce qui est ding-ding et qui est rouge? Non? Un ding-ding rouge. Et savez-vous qu'est-ce qui est ding, qui fait ding-ding et qui est vert? Vert. Non, ils en font pas de cette sorte-là. Bon, c'est le fun d'un portable qui marche pas. Alors, un autre, c'est quoi la différence entre un gros poisson puis un petit poisson? C'est lui qui le tient. Non, le petit poisson, il a les yeux plus rapprochés. Ah, c'est vrai. OK. Alors, un autre, c'est la joie. Alors, c'est quoi la différence entre une carte de petits pois puis des poissons? Les petits poissons verts? Les petits poissons verts et dans l'aquarium, les poissons rouges. OK, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, si tu veux que je prenne ça un petit peu, là. Ouais, mais te le fais. C'est ça. Là, Stéphane est en train de repartir sa machine. On va avoir accès à des chansons sucrées dans pas trop longtemps. J'aimerais profiter de ce moment d'antenne qui est bien involontaire de notre part pour remercier les bénévoles de douteux.org qui ont fait que cet organisme-là est rendu cité dans toutes sortes de choses, de toutes sortes d'affaires, de toutes sortes de manières. On est rendu avec un chapitre outre-Atlantique, tranquillement. On lui souhaite le meilleur de tout ce qui peut s'améliorer. Et puis, ben, en même temps, on fait des gros points ici à Québec, au Québec. S'il y a des gens qui veulent avoir un chapitre, on est rendu avec une formule pour faire que ça se fasse dans le meilleur des sens. On a des lois à faire respecter. Ça prend surtout juste une place. Après ça, ben les propriétaires de bar, ils vont payer en bière, ils vont payer en produits et ils vont payer en étant des amis parce que quand on leur remplit la place les lundis, ils sont d'habitude très très contents. Ce qui nous amène tranquillement à... On va pouvoir en écouter une de tes chansons. Passe, mon gars. Alors, Marthe Fleurant, un fleuron de notre musique québécoise qui va nous parler de Gomme Balloon. Ouais, c'est un grand classique, s'il en est un. Il y a rien qui marche depuis que je suis né, mais il n'y a plus rien pour me décourager. La solution, je l'ai trouvée. Mâche, mâche et on s'en fout. De la gomme balloon, mâche, mâche et on oublie tout. De la gomme balloon, c'est bon pour nous. J'entends rentrer le bonhomme pacté. Au petit jour, l'autre matin, un coup de rouleau dans le dentier, il réveillera plus les voisins. Mâche, mâche et on s'en fout. De la gomme balloon, mâche, mâche et on oublie tout. De la gomme balloon, c'est bon pour nous. Rhum à banni la pilule. Pour nous autres, c'est pas le supplice. Comme je disais à mon Hercule, à ton âge, tu vaux pas le 6. Ça, je l'ai pas compris, tu vaux pas le 6, là, mais en tout cas, c'était un élément. J'aimerais aussi faire écouter quelque chose d'un grand classique du vieux rock'n'roll. Ça a l'air innocent comme ça, mais si vous écoutez les paroles, c'est pas mal plus toi ce qu'on pourrait le croire. C'est les Shirelakes et Lollipop. Sweeter than candy on a boom, boom, boom. Crazy way it thrills me, tell you why. Just like a lightning from the sky. He loves to kiss me till I can't see straight. Gee, my lollipop is great. I call him lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, lolly, lollipop. Boom, boom. Some hard dance from John Kelly in Burnley tonight. Keep your shouts coming. 8-1-1-9. Si je savais que je me marie dans un mois. J'ai entendu quelque chose. Des rats. Une fois, ils ont trouvé des cadavres de rats crevés plein les ascenseurs. Ils s'étaient affolés pour quelques rats. Si t'es amateur d'émotions fortes, t'aurais dû faire un autre métier. Regarde l'ascenseur.